On va parler des aigles de Roberval avec notre ami Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, vous avez eu une bonne nouvelle cette semaine. Un premier joueur de la QV des aigles a été rappelé. Oui, Simon Maltais là, a été rappelé là, une mesure un peu d'urgence là, avec les élites de Jonquière. Le Midget Espoir est en tournoi, eux, à Drummondville. Et puis, dans le fond, là, après avoir discuté avec Simon Tremblay, le directeur général des élites, là, on a envoyé Simon jouer un match avec les élites. Mais si tu Il bien s'est débrouillé, présenté là-bas. sais-tu, c'est bien Oui, débrouillé. ben, j'ai parlé avec Maxime Desrousseaux, Arnaud Dubé, et puis même avec Simon. Là, il a très bien fait ça. Il a marqué un filet, il a Ah, fait une c'est bon ça. quinzaine de présences. Il a joué en désavantage numérique. Là, donc, ça a vraiment été une belle expérience pour lui. C'était le fun. Il a vraiment apprécié ça. Puis on est bien fiers de lui aussi. OK, donc là, il va être de retour avec les aigles. Oui, il est de retour avec les Aigles. Là. Il est allé jouer son match. Puis si jamais ils ont besoin, ben ils connaissent mon numéro de téléphone, ils vont m'appeler. Puis on va le OK. renvoyer, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui s'est passé au cours du week-end pour les trois équipes. Par rapport aux trois équipes, là, nos juvéniles puis nos cadets étaient en action à Samuel de Champlain. Nos cadets ont remporté une victoire de 5 à 2. Tiré de l'arrière, là, Ah, 2 c'est à 1 bon. après deux périodes. OK. Donc, on se rebondit. Nos juvéniles, eux, ont nulé là, 2 à 2 là, dans une fin de match là, un peu rocambolesque. Là. On a marqué, il restait 0,8 secondes pour annuler le match. Donc, c'est ça pour cette journée-là. Le lendemain, les Benjamins et les cadets étaient encore en action. Ben, les cadets étaient encore en action. Les Benjamins, c'était leur premier match du week-end. On a essuyé un revers de 4 à 1 là, contre l'équipe de Cardinal Roy. Et puis, les cadets, eux, ont nulé 1 à 1 contre la même organisation, dans le fond. OK. Donc, ça fait pas. Puis là, au cours du week-end, ce qui s'en vient. Là, ouais, ben là, ça bouge pas mal en fin de semaine. Demain, là, vendredi après-midi, les Benjamins jouent contre Chicoutimi. OK. Demain, samedi, c'est un programme trip Benjamin, OK, monsieur. Cadet et Juvénile. Donc, OK. c'est Pointe-Lévis qui se présente à. Excusez, c'est les mêmes Cardinal Roy qui se présentent en Benjamin. Et puis, Cadet Juvénile, c'est l'équipe de la Pocatière Chanoine-Baudette qu'on a affrontée il y a 2 semaines. Chez eux, c'est à eux de venir. Et puis dimanche, là, nos cadets là, sont en action. Et puis nos juvéniles là, contre Lévis. Ah, c'est bon. Donc, l'objectif, c'est quoi l'équipe? Pour les équipes, c'est une victoire, une défaite? Là, non, là, on vise tout Ouais. le temps notre processus. Là. Je te dirais que dans le moment présent, là, où ce qu'on est, on fait beaucoup de meetings. Là. Nos équipes cadets juvéniles ont le challenge respectif la semaine prochaine. Oui. Ça débute, donc tu sais, on est beaucoup en préparation de ça. On veut aller chercher des bonnes performances, période après période. Et puis on est en rodage sur certains nouveaux aspects qu'on a travaillé dans les dernières semaines pour pouvoir les mettre en application là, pour que ça soit de l'acquis lors du challenge. Donc on a C'est tous sûr, très hâte, c'est. mais tu sais, le danger un peu de ce week-end-là, c'est d'être déjà rendu au challenge avant d'y être. Là. Ouais. Donc, tu sais, il faut les ramener un petit peu sur terre là-dessus, puis il faut continuer de travailler fort. Est-ce qu'il y a une pression pour les équipes? Est-ce que les joueurs ressentent une petite pression parce que c'est lieu à Roberval? Ben, les cadets, les juvéniles, eux, ils vont être à Montréal, ils vont être à Boucherville, mais les cadets, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir un petit facteur stress là, plus l'événement va arriver. Je te dirais que, tu sais, nous, on commence à le sentir, ça devient fébrile, on s'en fait parler les médias, les articles commencent à dérouler, donc c'est sûr et certain que les joueurs vont voir ça, puis c'est un petit peu ça qui crée le facteur stress, hein, c'est tout l'engouement qui est mis autour de ça. Et puis, ben, c'est à nous de les préparer pour que quand la rondelle va tomber là, jeudi matin à 9h45, qu'on soit prêt pour jouer. Mais c'est tout le temps un aspect mental là, de la game, puis c'est à nous de les guider là-dedans puis de les aider, là, ça c'est sûr. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Simon? Oui, ça fait le tour, Danny. OK. Donc, on va s'en reparler la semaine prochaine. Puis, on va être à la veille, la semaine prochaine, du challenge. Mais ça va être débuté la semaine Il prochaine. va y avoir beaucoup de monde. Écoute, comment tu vas avoir d'équipe partout? On est 33 équipes, 3 de la région, 30 de l'extérieur. Hey, Puis, c'est les hôtels, les restaurants, c'est magnifique, là. ouais, on parle de 660 jeunes environ là, qui vont plus les parents là, qui vont être Hey! dans la région en fin de semaine prochaine. Donc, c'est énorme, c'est clair. Là. Bon, on s'en passe une prochaine. Voici Ça donc marche. Simon Gaudreau des Aigles de Robert.